égards. Marchant au pas avec bravoure, y'a le territoire à défendre. Bataille de armes, de larmes, d'armes et de cendres. Au champ d'honneur pour hisser l'étendard 300. Marquons une page de l'histoire, frère d'âme, frère de sang. Pour protéger la terre, mère, fierté et allégeance. Sans toute oppression et perverse, guerrier de l'ombre. La foi rallie la force du nombre, le courage est durable. Le chemin de la gloire est encore long. Allons enfants, bravons ensemble, terreur et tyrannie. La peur est dure à vivre en affrontant sous le vent des pyramides. Combattre le bien par le mal, de feu sera le déluge. Des fausses éclipses comme lors d'un clash entre le soleil et la lune. Que faire s'éteindre ou briller, se taire ou crier, se faire tout piller. On a l'espoir pour seul bouclier. Soldat d'une juste cause, la défaite a un goût de victoire. La lutte gravée dans les mémoires et personne n'oubliera. Armes et cages, déterre l'âge de guerre de Satan, mais fait face au combat. On fait ça, armes et cages, on détient l'arsenal et une rage qui vaut 300 soldats. On fait ça, armes et cages, si t'as le cœur vaillant, lève ton poing, c'est mon peuple qui s'engage. On fait ça, armes et cages, armes et cages, armes et cages. Apprends à rester quand l'ennemi veut te faire fuir. La guerre dessine la jeunesse et fait parler l'avenir. C'est les larmes du père qu'aujourd'hui je transpire. Au lance-pierre, on ira venger ceux qu'on su mourir, ceux qu'on su guérir, ceux qu'on su souffrir. Pour l'amour d'une terre, la haine, ils ont su chérir. Brave guerrier Ross, chaque cicatrice est une victoire, une histoire, un espoir de pouvoir tout reconstruire. Demain, c'est dans 100 ans, vaillant, on est plein. Reculons devant rien, sache que le sommeil et la mort sont cousins germains. Enfant né par amour, la vie est longuement triste. On se protège qu'en priant sur les siens. Entends l'harmonie du fer, le casque, les épées. On masque les blessés, on marche à l'honneur. Parce qu'on a glissé très tôt dans l'angoisse et les décès. La poisse et les méfaits à 300% pap et on est bon. On fait ça, armes et cages, déterre l'âge de guerre de Satan, mais fait face au combat. On fait ça, armes et cages, on détient l'arsenal et une rage qui vaut 300 soldats. On fait ça, armes et cages, si t'as le cœur vaillant, lève ton poing, c'est mon peuple qui s'engage. On fait ça, armes et cages, armes et cages, armes et cages, armes et cages. L'ennemi à l'arme à gauche et compte envahir par la force. Sur le pied de guerre, au front, à la vie, à la mort. Chez nous souffrir est philosophique. Le malheur pressenti attise l'incendie. Une poignée d'hommes libres affrontent de l'empire. Au risque de périr sous l'œil du mépris. Donc gagnons notre fierté, personne doit déserter. Le prix d'une liberté égale à celle de l'âme du guerrier. On fait ça, armes et cages, déterre l'âge de guerre de Satan, mais fait face au combat. On fait ça, armes et cages, on détient l'arsenal et une rage qui vaut 300 soldats. On fait ça, armes et cages, si t'as le cœur vaillant, lève ton poing, c'est mon peuple qui s'engage. On fait ça, armes et cages, armes et cages, armes et cages, armes et cages. On fait ça, armes et cages, déterre l'âge de guerre de Satan, mais fait face au combat. On fait ça, armes et cages, on détient l'arsenal et une rage qui vaut 300 soldats. On fait ça, armes et cages, si t'as le cœur vaillant, lève ton poing, c'est mon peuple qui s'engage. On fait ça, armes et cages, armes et cages, armes et cages, armes et cages.